Le lendemain, Madame Vauquer s'était, suivant son expression, raisonnée. Si elle parut affligée comme une femme qui avait perdu tous ses pensionnaires et dont la vie était bouleversée, elle avait toute sa tête et montra ce qu'était la vraie douleur, une douleur profonde, la douleur causée par l'intérêt froissé, par les habitudes rompues. Certes, le regard qu'un amant jette sur les lieux habités par sa maîtresse en les quittant n'est pas plus triste que ne le fut celui de Madame Vauquer sur sa table vide. Eugène la consola en lui disant que Bianchon, dont l'internat finissait dans quelques jours, viendrait sans doute le remplacer, que l'employé du muséum avait souvent manifesté le désir d'avoir l'appartement de Madame Couture, et que dans peu de jours, elle aurait remonté son personnel. « Dieu vous entende, mon cher monsieur, mais le malheur est ici. Avant 10 jours, la mort y viendra, vous verrez, lui dit-elle, en jetant un regard lugubre sur la salle à manger. Qui prendra-t-elle ? » « Il fait bon déménager, dit tout bas Eugène au père Goriot. « Madame, dit Sylvie en accourant effarée, voici 3 jours que je n'ai vu Mistigris. Ah bien, si mon chat est mort, s'il nous a quittés, je... » La pauvre veuve n'acheva pas. Elle joignit les mains et se renversa sur le dos de son fauteuil, accablée par ce terrible pronostic.